Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le monsieur fou rire du cinéma américain, Adam Sandler. Agent d'élite du Mossad et véritable star dans son pays, Zohan a un secret. Il rêve de devenir coiffeur en Amérique. Profitant d'un combat contre son pire ennemi, un terroriste connu sous le nom du Fantôme, Zohan se fait passer pour mort et s'envole pour New York, armé uniquement de ses ciseaux et de son sèche-cheveux. C'est le meilleur soldat israélien de tous les temps. Zohan. Qui est le Rembrandt de la grenade? Mais le temps du changement est venu. Je veux démissionner de l'armée. J'aime mon pays, mais quand les combats vont-ils s'arrêter? Les combats durent depuis 2000 ans. Impossible que ça dure plus longtemps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux tailler les cheveux et les styliser. Il décide de tourner la page. Je peux savoir d'où vous venez? Australie. Vous êtes sûr? J'aurais dit Moyen-Orient. Non, c'est le même accent. Kangourou. Vous n'avez jamais coupé de cheveux. Je vous ferai tout ce qu'il faut faire. Bon, allons-y. Madame Kitzel, je vous prends tout de suite. J'adore votre style. C'est à qui le tour? Mais alors qu'il se fait à sa nouvelle vie... Vous aimez le baseball? Bien sûr que j'aime le baseball. C'est quoi d'abord le baseball? Sa véritable identité. T'es un soldat israélien antiterroriste? Non. Le rattrape. Rien que pour vos cheveux, vous l'avez compris, c'est pour rire, avec Adam Sandler et Roy Schneider. Un DVD, Sony Pictures.